encore là, pourvu que ça reste comme ça. J'ai tout plein de chocolat dans mon placard à bouffer. Tout ce pourrait être à toi si enfin tout te bouge. J'ai un passe pour la lune, voudrais-tu y aller? Ne crois pas que je t'en fume, je veux juste impressionner. Voyage, liste-moi tes bagages. On peut partir quand tu veux, c'est quand même mieux à deux. Chez moi c'est un peu vide, ça manque de présence. Je te prie de me croire ou viens me voir. C'est un peu vide, ça manque de présence. Je te prie de me croire ou viens me voir. Je n'ai pas lu du Molière, je peux citer des vers, te raconter les choses qui laissent place à la prose. Ne manques-tu pas de câlins, je peux te faire le plein. Et si parfois tu en as trop, on arrête quand il faut. J'ai un puzzle en construction, veux-tu me faire une démonstration de tes talents de réflexion et d'observation? Je n'ai pas toute la vie à attendre que tu sois ici, mais j'attendrai ce qu'il faudra pour que tu viennes vers moi. C'est un peu vide, ça manque de présence. Je te prie de me croire ou viens.